Chapitre 29e. Georges revint. Pulcheri se ranima à son approche. Elle le devina de plus de 30 lieues. Quand il entra, ce fut pour elle une joie céleste. Leurs bouches décolorées se cherchèrent longtemps, dans un pâle baiser qu'aime le froid et la chasteté de la mort. Pendant quelques jours, Mademoiselle de B reprit toute sa santé morale. L'esprit et le cœur lui étaient revenus avec Georges. Mais sa constitution, affaiblie par le mal d'absence, garda des traces ineffaçables d'épuisement. L'éclat qu'elle jeta à la vue du jeune docteur fut celui d'une lampe mourante qui se ranima un instant avant de s'éteindre tout à fait. Les deux amants étaient pleins de pressentiments sinistres. La première neige qui tomba sur la terre leur sembla un linceul blanc qui devait les couvrir l'un et l'autre. La voix des corbeaux sous le ciel gris leur jetait dans l'âme une tristesse navrante. Ils se promenaient l'un et l'autre mélancoliquement, au bruit de la bise dans les branches, et entraînant des feuilles mortes sous leurs pieds le long des solitaires allées du parc. « Nous sommes les fiancés de la mort, » disait Pulcheri à Georges en mettant sa main dans la sienne. « Notre lit de noces sera le cercueil de plomb et ma couronne de mariée une couronne d'immortelles blanches. Qu'importe, nous ne nous quitterons pas plus dans l'autre monde que dans celui-ci, et la mort elle-même ne serait pas assez forte pour nous désunir. » Pulcheri et Georges gardèrent toute leur connaissance jusqu'au dernier moment. Ils s'entendaient d'un regard ou d'un serrement de main. L'un et l'autre n'avaient presque plus besoin de la parole pour converser entre eux, tant leurs âmes étaient unies.